Bien, peut-être on peut prendre un peu de temps, puisqu'on le contrôle finalement, sur les deux exposés qui se sont un peu parlé, en écoutant d'abord Marianne Dujarrier qui avait ou pas les documents pour s'y préparer, mais éventuellement on peut revenir sur aussi la dimension objet, effectivement, voire méthode, qui ont été évoquées et qui probablement sont des préoccupations partagées dans la salle. Anne-Marie. Ouais. Moi j'ai trouvé que les deux exposés se répondaient bien à plusieurs égards. D'une certaine manière, on pourrait dire que vous êtes des chercheurs qui trouvaient, puisque vous êtes partis sur des questions qui étaient différentes de celles de la question de la souffrance, et puis finalement, ce que vous avez trouvé, c'est un discours sur la souffrance. C'est à la fois toujours très désagréable de trouver ce à quoi on ne s'attendait pas, et en même temps, c'est très bon signe pour la profession. Donc vous avez trouvé quoi? Vous avez entendu trouver des discours sur la souffrance. Alors évidemment, ça pose des questions épistémologiques que vous soulevez, hein, toutes les deux, je pense. C'est-à-dire, est-ce que un discours sur la souffrance, c'est l'expression d'une souffrance? C'est pas sûr. Parce qu'au fond, une souffrance, c'est une émotion. Donc, le sociologue, il peut juste constater le discours. Il entend un discours à propos d'une émotion. Et comme vous le disiez très bien, on peut s'interroger sur la construction sociale de ce discours. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y a, à d'autres époques, ce mot-là n'arrivait jamais dans les discours, lorsqu'on faisait des entretiens compréhensifs dans les milieux de travail. Donc on peut s'interroger sur la construction sociale de ce discours-là. On peut s'interroger sur le fait que ça exprime forcément de la souffrance. Moi, je sais pas, j'avais essayé de démontrer que les personnes qui parlent le plus de souffrance au travail sont les marchands d'anti-souffrance. Beaucoup plus que les gens qui, éventuellement, sont dans des situations extrêmement tendues, difficiles, dans lesquelles on peut imaginer quand même, c'est pas rigolo, quoi. Voilà. Dire sa souffrance, quand elle est réelle, c'est tout sauf évident, que ce soit un sociologue, un chef, un collègue, un conjoint, bref, dire la souffrance, c'est plein d'obstacles qui ne se posent pas pour ceux qui, précisément, sont à distance de la souffrance. Donc on peut peut-être avoir un paradoxe, c'est une suggestion hein, de réfléchir autour de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans l'expression de la souffrance quand on parle de souffrance, et le fait d'exprimer transforme cette souffrance, rappelant là des questions de métier dans les deux cas, je trouvais ça très fort, qui est finalement lorsque l'on est sociologue et qu'on se met à écouter et à faire parler un certain nombre de personnes sur leur activité, inévitablement on transforme le rapport subjectif que ces personnes peuvent avoir avec leur travail. Parce que exprimer la souffrance, c'est aussi transformer son rapport à sa souffrance, notamment si ce cadre d'interaction est collectif, ce qui semble pas être le cas dans les deux entretiens que vous avez faits, hein, mais on pourrait imaginer que ce soit des débats collectifs autour de cette question-là, hein, du rapport au travail. Voilà, alors, je suis désolée, mais j'ai encore un peu la même question, c'est peut-être mon rôle aussi hein, de discuter, donc sur vos deux exposés, un peu la même question que sur le premier, on a le sentiment qu'il n'y a que de la souffrance. Voilà, c'est toujours très unilatéral. Alors, je veux bien hein, qu'être sourd, ça soit une situation de souffrance, qu'avoir plus de 50 ans. Est-ce que quand on a plus de 50 ans, c'est toujours un rapport souffrant au travail? Toujours? Je ne sais pas. Ce qui serait intéressant sociologiquement, c'est de voir à quelles conditions ça devient un rapport compliqué. À quelles conditions d'emploi et d'activité hein, ça devient difficile, peut-être pour nuancer un petit peu et prendre de la distance précisément avec ce discours, de la même manière que vous avez entendu des discours de souffrance que vous ne cherchiez pas, vous étiez plutôt sur la question de l'emploi, le licenciement, du rapport d'emploi. Finalement, les gens vous ont parlé de leur rapport subjectif au travail ou à l'emploi, je ne sais pas très bien, ça c'est. Ouais, au travail, c'est ça, ouais. Alors, je vais être un peu dans la provocation, mais bon, j'assume. Est-ce qu'il n'y a pas des licenciés heureux dans ce que vous avez vu? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut adopter hein, ce discours du tout, tout est souffrance? Parce que bon, on peut, hein, c'est un petit peu à la mode, et en même temps, je trouve que sociologiquement, ça nous prive d'une compréhension sur les processus qui font que. Parfois, c'est pas le cas, et parfois, il y a des cas heureux ou moins souffrants ou silencieux. C'est-à-dire où des gens ne parlent pas du tout de souffrance, ce qui ne dit rien sur le fait qu'ils souffrent ou pas, d'ailleurs. Un dernier étonnement dont je fais part, c'est pas la première fois que je le fais, mais je trouve ça intéressant de voir des sociologues qui se réfèrent essentiellement à la psychodynamique du travail et à la clinique de l'activité, qui sont réputés appartenir à la discipline voisine, qui est la psychologie du travail, Moi qui suis sociologue du travail et qui fréquente beaucoup également la psycho du travail, je trouve que ça interroge un peu notre métier, qu'on aille chercher dans la psycho des outils pour penser la société. Ça mérite d'être noté. C'est pas une critique, hein, mais je trouve ça assez notoire que ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de la socio du travail, qu'on ait tant besoin d'aller chercher les psychologues pour faire de la sociologie. C'est intéressant en soi, je trouve. Dans quelle mesure cette interrogation de la souffrance au travail, elle ne donne pas les moyens de mettre en perspective une exclusion, une injustice ou une violence qui aurait plus place dans la société civile en général, mais que le lieu de travail mettrait, dont le travail serait un lieu de cristallisation des enjeux et des tensions. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez répondre. Éventuellement, d'ailleurs, ceux qui ont intervenu sur la question des sourds, parce que le handicap, pour le coup, en est un symbole fort et visiblement invisible. Vous revenez dans la discussion. Il y a un micro qui circule, on peut le faire passer. Sinon, moi, je fais deux remarques aussi très très, très courtes. La première, qui vient un peu de l'exposé de Morgane Koenig sur la Suisse. Avec un peu de prudence, hein, je peux complètement me tromper, évidemment, vous allez corriger immédiatement. Mais j'ai trouvé intéressant votre remarque sur le biais méthodologique, et en particulier sur le fait que les salariés, ou en tout cas les interviewés, ont été choisis, ou vous ont été adressés. Alors, ce sont des choses qu'on voit beaucoup dans les recherches, dans le monde de la santé, en particulier lorsque les recherches sont faites par les laboratoires de pharmacie, que de passer par les médecins pour atteindre les malades qui sont choisis par les médecins, pour apporter des réponses qui donnent des scores à peu près équivalents à ceux que vous avez évoqués. Alors je trouve ça intéressant, hein, on risque de me tromper ici, mais vous avez dit aussi ne pas le dire à la hiérarchie, ne pas s'écouter, ne pas écouter son corps, ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Et peut-être même sont ceux qui en parlent le moins qui finalement souffraient le plus, ce qui fait que le biais méthodologique éventuellement se retourne contre son intention, si effectivement on vous adressait des personnes qui au fond ne se plaignaient pas tellement de la souffrance. Alors, je trouve ça intéressant comme petite démonstration sociologique, si elle est pertinente, parce que ça veut dire qu'on tape aussi au contrôle, aux représentations sociales, à toutes sortes de choses qui, et vous l'avez dit d'ailleurs, sont effectives dans la conduite ou la gestion des relations de travail, ce qu'on appelle peut-être au-delà des ressources humaines. Donc voilà, juste une petite remarque, une petite humour sociologique. A-t-on ici une toute petite démonstration sous nos yeux de ce que la sociologie est capable de faire, y compris en écho aux questions qui sont posées, qui consistent aussi à retourner quand même les dispositifs dans lesquels parfois on nous incite à produire des connaissances sans avoir toujours la capacité de les explorer, mais là, boum, ça a sauté. La deuxième chose qui fait écho au dernier exposé, et également aux remarques faites dans la discussion, c'est effectivement la difficulté, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, avec des termes très bien choisis, y compris l'objectivation des faits, ou l'objectivation peut-être même des catégories, ou des supports, enfin, sur lesquels on peut s'appuyer pour faire une comparaison, une évolution sur le temps, sur ces thèmes qui, aujourd'hui, sont les nôtres, à savoir la souffrance au travail. Et je trouve ça très intéressant, effectivement, d'interroger la manière dont on produit des connaissances nouvelles sans catégorie a priori. Ce qui nous amène parfois à aller toucher des bordures disciplinaires, voire à se ressourcer dans des disciplines qui sont non seulement voisines, mais avec lesquelles on travaille habituellement, parce que précisément, on n'est plus dans les catégories classiques, usuelles, habituelles de la sociologie, avec ses capacités, hein, de produire des connaissances. Il nous faut circuler dans des registres. Personnellement, je viens de le faire beaucoup sur les questions de fin de vie et dans une enquête sur les soins palliatifs, dans un service de soins palliatifs. Effectivement, nous composons dans un univers, et là c'était très net, où il y a des émotions, il y a de la souffrance, et on ne saurait fermer ces thématiques comme étant des catégories pertinentes de l'analyse, et en même temps, nous devons produire dans ces espaces où l'émotion, la souffrance s'exprime. Alors j'indique juste ici que l'écriture, parfois, peut aussi, ou la manière même dont nous présentons nos enquêtes, et peut-être parfois avec un peu d'inventivité, enfin je veux dire un peu, parfois même d'audace, mais peut-être l'écriture et le rendu, la manière dont on rend compte de nos enquêtes peut nous permettre de ne pas nous enfermer dans un objectif d'objectivation trop rapide, sans nier pour autant évidemment la possibilité de prendre en compte ces dimensions, émotions, souffrances qui circulent dans les univers du travail. Vous revenez dans la discussion avec votre premier exposé, on a 5-10 minutes pour vous organiser vos réponses, s'il n'y a pas d'autres questions. Et on maîtrise. Il n'y a pas de problème. C'est bien de donner la parole à Sam. Oui, oui, oui. Je suis sociologue du travail au LEFS d'Aix-en-Provence. Et je me suis beaucoup posé des questions. Je trouve ça très courageux de mettre sur les salariés, sur les questions de méthode, sur les questions de posture du chercheur, etc. Qui sont quand même, il faut avoir le courage de les exposer publiquement, parce qu'on ne le fait pas toujours. C'est plutôt d'apprendre les internes. Mais sauf, voilà, moi je suis venue aujourd'hui en me posant ces questions-là. On a des entretiens à faire, on a une grosse recherche sur les conducteurs de bus, sur les conditions de travail. On finit par se centrer sur les risques psychosociaux parce que pareil, on ne l'avait pas prévu, mais maintenant on peut faire avec. Donc on refait une deuxième vague d'entretien et on s'interroge. Je m'interroge beaucoup sur comment j'élabore ma grille, qu'est-ce que je vais poser comme question. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a mis, avec mon concept, pas mon concept. La question que je me posais en vous écoutant, c'est peut-être, est-ce que vous avez repéré à quel moment vous dites en fait le mot souffrance, c'est pas un concept que j'ai amené moi, il est arrivé tout seul. Est-ce que vous avez su identifier à quel moment, enfin, quand vous posez quel type de question, comment il sort en fait, comment ça arrive à est-ce que ça sort spontanément? Est-ce que c'est en parlant, enfin, est-ce que c'est sur des questions plutôt axées sur l'activité, sur le métier, sur comment ça sort, comment, voilà. Mélanie en premier peut-être. Alors je fais court. Alors je réponds peut-être d'abord. La première chose, c'est sur la question de Marianne Dujarrier. Moi, je dirais clairement que j'ai pas adopté ou pas le discours du tout souffrance. Et c'est pas un choix du sociologue. C'est pas bon, moi, je vais être plutôt optimiste, plutôt. C'est pas ça. Déjà, quand on est dans une situation d'enquêter auprès des salariés licenciés, c'est vrai que dans un premier temps, on se doute bien que ça va pas être tout. Ils vont pas tous être heureux. Bon, on le sait dès le départ. C'est vraiment pas ça. C'est en fonction de voilà des témoignages qu'on recueille. Et c'est marrant que vous parliez de salariés licenciés heureux parce que c'est le titre d'un article que je viens juste terminer d'écrire. Mais alors, c'est pas forcément du tout. C'est peut-être pas ce à quoi vous attendez, c'est que ceux qui effectivement, parmi les témoignages, étaient heureux, bizarrement, ce sont des gens qui avaient des conditions de travail, un rapport au travail tel que le sentiment qui les a envahis quand ils ont été licenciés, pardon, c'est un sentiment de libération. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tous ces discours managériaux qui font qu'on tient au travail, on a un cadre, on est censé rebondir, on adhère d'une certaine façon, on se conforme en tout cas aux discours managériaux, ça lâche. Et on se rend compte que voilà, c'est peut-être un parler creux managérial, mais c'est aussi plus que ça. Ça lâche et on se permet de critiquer le travail plus en profondeur de la société dans laquelle on est. Donc ceux qui sont heureux, c'est ceux qui se sentent libérés d'un truc qu'ils ne cautionnaient plus et qui les mettaient dans des situations de tension trop dures à gérer. Et moi, je suis d'accord avec le fait que le tout souffrance, parler de souffrance, j'ai sans doute pas exprimé clairement, mais c'est que moi, ce qui me pose problème, ce serait en fait de, si on analyse sociologiquement la souffrance pour ce qu'elle est, bon, mon problème, ce serait qu'on oublie l'analyse des causes conjointes. Et j'ai trouvé un truc très intéressant, et ça permet de répondre à votre question, c'est que moi, c'était une enquête qui était commanditée par le CHSCT, le CE, et j'ai pas arrêté de leur dire, pour mieux mettre en valeur les répercussions du licenciement sur les salariés, ce serait vraiment très intéressant d'aller voir les DRH, d'aller voir les cabinets de reclassement. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans mon travail de recherche. Mais eux ne voulaient pas. Et ce que j'ai trouvé qui pose question, c'est qu'ils voulaient mettre en avant, comme beaucoup de témoignages qu'on voit sur différentes boîtes, ils voulaient mettre en avant la singularité de leur site, le fait que c'était une grande famille. Je ne dis pas ça en critiquant, mais c'était, pour moi, c'était complètement symptomatique d'une façon d'aborder. Et donc, moi, le terme de souffrance, j'aurais tendance à faire un usage critique parce que je me dis... Mais oui, mais ce qui est peut-être plus important sociologiquement, c'est pas que la singularité. La singularité, c'est un temps. Mais ensuite, voir que ce qui se passe dans votre boîte, c'est la même chose que dans d'autres boîtes, que même des cadres, eh ben, c'est la même chose que certaines populations ouvrières. Et là, de mettre en avant des choses qui sont beaucoup plus structurelles dans le fonctionnement de l'économie, dans les stratégies des entreprises, voilà, dans les choix stratégiques qu'ils ont faits. Et donc, la question de la souffrance, je me demandais aussi si c'était pas une façon de construire le conflit qu'ils ont construit, les salariés, les syndicats, qui étaient donc contre ce plan social, je trouve, d'une certaine façon, moi, de l'extérieur, qu'ils l'ont construit beaucoup sur l'individualité, sur la souffrance, sur le pathos. Alors, on va avoir l'impression que c'est négatif, ça ne l'est pas, mais oui, sur le pathos, sur des choses comme ça. Et moi, j'avais l'impression que le rôle du sociologue, c'était de dire, oui, d'accord, tout ça, c'est vrai, puisque c'est ce qui ressort. Mais notre rôle est peut-être aussi de dire, ça, c'est un temps. Et qu'il faut recontextualiser, remettre dans une analyse sur les causes, et les causes, elles sont pas individuelles. Sinon, ça fait un peu trop le jeu de la gestion très individualisée du licenciement, du rapport au travail très individualisé, des cabinets, les marchands d'anti-souffrance dont vous parliez. Et ça, c'est ça qui me semble être important. Merci. Oui, puis peut-être Sylvain. Juste, moi je voulais juste, après je passe à Sylvain, juste souffrance et violence, c'est pas la même chose. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est aussi imposé dans notre travail, mais c'est pas la souffrance, c'est la violence. C'est-à-dire que même quand des gens nous disaient que ça se passe bien, ceux qui décrivaient étaient violents. Ils pouvaient reconnaître eux-mêmes que c'était violent. Après, il y en a qui souffrent, qui nous le disent, il y en a qui souffrent pas, qui s'en sortent. Mais en fait, c'est plus la violence qui est vraiment transversale. Voilà. Et je pense aussi que ça sert de révélateur, effectivement, non pas que des choses se cristallisent au travail, mais ça révèle... Je te laisse la parole, Sylvain. Oui, en fait, oui, effectivement, classiquement, ça, le handicap, mais en particulier ce qu'on a, le terrain sur lequel on est, il y a des liens entre ce qui se passe dans l'espace du travail, de l'emploi et des organisations de travail par rapport à ce qui se passe de manière plus générale dans la société civile, mais on pourrait dire, je pense, la même chose des questions d'accès aux soins des individus sourds et malentendants de manière générale et à la santé de manière générale. Est-ce que je voulais dire, vient de m'échapper. Par contre, ça révèle aussi un autre élément qui est moins connu, c'est que pour les sourds, dans leur relation aux autres et dans la majorité des entendants, puisque c'est le cas dans ces relations-là, c'est quelque chose qui est... récurrent, régulier. Ça fait partie de la nature des relations qu'ils ont avec les entendants, ou ce qu'ils appellent aussi les parlants. Ce que crée, quand on le transfère dans le milieu professionnel, ça va créer pas une habitude et des choses avec lesquelles on fait, mais ça va créer des dysfonctionnements et ça va leur poser des problèmes en termes d'évolution professionnelle. Moi, j'avais fait déjà une étude plus réduite en 99 et on voyait déjà des salariés sourds qui étaient là dans un même service, en collectif, et à qui on n'avait rien proposé depuis 20 ans. Et on s'aperçoit que 10 ans après, c'est encore la même chose, y compris, là, pour repartir sur deux éléments qu'on a indiqués, mais quels que soient les postes occupés, quel que soit le secteur privé ou public, ça se passe, le secteur d'activité dont on parle, c'est ça qui est aussi frappant. Et en même temps, avec l'idée que, pourtant, les gens trouvent des satisfactions dans leur travail, et heureusement. Morgane. Ok, je vais faire vite. Sur la question de l'ironie du sort, à savoir que lorsque les directions nous adressent des gens en pensant qu'elles vont avoir le discours qu'elles espèrent et puis qu'en fait c'est le contraire qui se passe, c'est vrai, c'est assez drôle, mais en même temps ça pose une question de nouveau de la tambouille méthodologique ou de comment on fait avec ça. Parce qu'on ne fait pas de la recherche-action et on est censé faire de la restitution sur égalité et inégalité et du coup on se retrouve avec des gens qui décompensent, pour le dire vite, grave, en entretien. Donc on commence l'entretien, bonjour, comment ça va, et la personne se met à pleurer, ouais, en disant que c'est une catastrophe, enfin, pour dire comment ça sort, c'est comme ça. Hein. Et du coup après ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça et de comment ben, les gens nous disent ça tout en nous disant c'est anonyme et c'est confidentiel et ça ne sort pas d'ici. Et du coup, on se retrouve un petit peu, c'est une question ouverte, on est en train de débattre aujourd'hui, on ne sait pas très bien quoi en faire du point de vue méthodo. L'autre question... Je prends mon rôle de discutante au pied de la lettre. Quand vous dites on ne fait pas de la recherche-action, vous le posez comme, je sais pas, comme un choix, comme une affirmation, mais au fond, si. C'est-à-dire que... Vous faites pleurer cette personne, entre guillemets, enfin pas vous, mais le dispositif transforme quelque chose dans le rapport subjectif que cette personne a à son activité, à son emploi, à son traitement. Donc, quand vous dites on ne fait pas de la recherche-action, j'entends bien que sans doute c'était pas le but de faire de la recherche-action, mais ça interroge, je pense, la possibilité épistémologique et méthodologique pour les sociologues d'aborder la question des émotions en général, parce qu'au fond, la souffrance n'est qu'une émotion parmi de multiples, parce que la question sera la même pour d'autres émotions, même positives, entre guillemets, de savoir comment est-ce qu'on peut faire une sociologie des émotions sans faire de la recherche-action. Parce que ça me semble très compliqué, effectivement. Voilà. C'est-à-dire sans passer par l'interprétation que les sujets font de leur émotion, et sans accepter, et donc réfléchir à ça, accepter que tout entretien à propos de ces émotions va transformer à la fois l'émotion et la manière dont on en parle. Je me demande vraiment si on peut ne pas faire de recherche-action quand on fait une sociologie des émotions. Parce qu'une sociologie des souffrances, c'est une sociologie des émotions, en fait. C'est une question, hein. Mais bon, je reviens, on fait pas une enquête sur la souffrance. Hein, c'est vraiment. Et l'autre problème qu'il y a, c'est qu'en même temps, les gens nous investissent d'une arène et d'une possibilité de changement, hein, à savoir est-ce que c'est possible de dire quelque chose aux directions, aux syndicats, etc., tout en nous disant je veux pas que mon chef le sache. Et du coup, comme c'est les chefs qui ont désigné les personnes, forcément, on se retrouve dans une situation un peu délicate, à savoir que si on va vers eux en disant voilà, dans votre entreprise, c'est absolument dramatique. La situation est telle qu'environ 90% des personnes qu'on a rencontrées sont dans une situation grave, on les met forcément en mauvaise posture. Et donc, il y a une attente vis-à-vis des chercheuses que nous sommes d'une prise de parole publique vis-à-vis de ça, tout en espérant qu'elle ne se fasse pas à l'interne. Et du coup, ça pose la question d'une part de comment on rencontre des gens qui nous ont ouvert le terrain, à savoir les directions, mais aussi qu'est-ce qu'on fait plus largement. Et là, c'est le rôle du sociologue vraiment public, hein, à savoir quelle place il a dans la cité, qu'est-ce qu'il peut faire comme type de changement. Donc voilà, pour dire que la boîte noire, en tout cas, nous, on est en train de la tourner dans tous les sens pour savoir comment on va s'en sortir. L'autre question, hein, moi je suis pas non plus pour le discours tout souffrance, et je pense qu'il faut relativiser, mais là où c'est intéressant, et je pense que je l'ai trop peu dit en conclusion, c'est que les personnes qui sont contraintes au maintien en emploi, donc celles qui sont les moins qualifiées, les plus précaires, qui ont moins d'argent de côté pour leur retraite, généralement les femmes et les personnes peu qualifiées, souffrent beaucoup parce qu'elles occupent les postes les plus en bas de la hiérarchie, mais aussi parce qu'elles n'ont pas le choix, donc elles sont sans pouvoir d'agir, pour reprendre un terme psychodynamique. En même temps, et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que c'est elles qui ont le discours le plus complet, le plus intéressant, le plus complexe sur l'attachement à l'emploi et au travail. Et quand je dis à l'emploi, c'est pas, voilà, c'est le fait d'avoir un emploi et le fait d'avoir peur de le perdre, mais au travail surtout, et je pense que c'est là qu'on oublie aussi le débat. Elles sont attachées à leur travail, elles sont attachées à ce qu'elles font, elles sont attachées à leurs collègues, elles sont attachées à leurs usines, elles sont attachées à leur place de travail. Et du coup, c'est vraiment une dialectique aussi. Et voilà. Et donc la loyauté, en fait, elle s'arrime pas seulement à la contrainte, elle s'arrime aussi à un attachement fort à l'activité, à la praxis, pour le dire autrement. Mais on arrive vraiment à des moments de discussion importants. On contrôle le temps encore, mais allez-y. Un micro, parce que... Ouais, dites fort. Oui, Fabienne Hennig, Paris 7. C'était juste une remarque en vous entendant. Enfin, il y avait quelque chose qui me troublait, qui était dans les difficultés que vous exposez, vraiment des difficultés de métier. Moi, je trouve tout à fait intéressant et généreux aussi de les mettre au débat. Mais dans ces difficultés qui émergeaient, il me semblait qu'il y en avait une qui pointait un petit peu le bout de son nez. C'est comme si une des tensions dans lesquelles le sociologue est mis, c'est d'avoir affaire effectivement à la souffrance, avec ce que ça veut dire d'expression débordante, enfin, vous l'avez utilisé, d'envahissant, y compris dans la convocation de sa propre subjectivité. Mais c'est comme si on assistait à une espèce de découplage sémantique du couple souffrance-violence. Et dans ce que j'entends, un de vos efforts pour rapatrier le fait de « attention, c'est violent, c'est violent, c'est violent », j'ai l'impression qu'il y a une qualification ex poste de la notion de violence, c'est-à-dire comme si le sociologue requalifiait le fait qu'il y avait de la violence et qu'on essaye de reconstituer ça, alors qu'en face, le sociologue se trouve mis en difficulté parce que ce qui est exprimé, c'est quelque chose d'individuel, de profondément subjectif, de souffrant, avec tout ce que ça peut provoquer de mise en tension de la part du sociologue. Et il me semble que, Marianne le disait, c'est-à-dire on peut aussi entendre le discours sur la souffrance comme une construction sociale, et du coup voir ce que l'on peut en tirer, c'est-à-dire la construction sociale, ça dit quelque chose. Alors c'est vachement intéressant que ce soit en Suisse, je ne veux pas dire que la frontière est importante, mais que ce soit en Suisse ou ailleurs, je ne sais pas où Mélanie travaille, mais enfin, où ça se situe son terrain, mais en France, enfin, dans un coin ou dans un autre, comme si la convocation de l'expression de la souffrance comme discours adressé, comme discours exprimé, était le seul entendable. Et du coup, il y a une question qui se pose, qui est quel est l'intérêt stratégique à recourir à l'expression, au discours de la souffrance. Alors on peut l'imaginer aussi avec ce que l'on voit, j'allais dire, à la télé. Hein. Il y a aussi une convocation très massive hein, du pathos, du discours de la souffrance exprimée. Mais quel est l'intérêt, j'allais dire, sociologique et stratégique de l'expression de la souffrance comme modalité d'adressage à des sociologues? Et qu'est-ce que l'on fait de ça? Et ça, c'est une chose. Et puis, du coup, ça venait réinterroger une autre chose qui est, il y a un silence. Si ce couple sémantique, il est découplé, il y a aussi un silence sur, et le conflit dans tout ça, il est où? C'est-à-dire, si vous, sociologues, si nous, sociologues, on va identifier quelque chose qui sont des processus de violence, théoriquement, dans l'histoire même de la sociologie du travail, dans la manière dont on a construit notre histoire du travail, notamment salarié, c'est totalement articulé sur la question du conflit. Or là, le conflit social, l'expression même du conflit, c'est comme si elle semblait totalement évacuée dans ce que vous évoquez. Et du coup, je m'interroge sur comment on traite ça, comment est-ce qu'on requalifie cette expression du discours de la souffrance comme enjeu stratégique. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une stratégie cynique hein, à exprimer du pathos, mais comment la société autorise aussi, autorise cette expression-là. Et puis, du coup, effectivement, comment le sociologue peut s'en saisir, j'allais dire, sans avoir le sentiment de déborder de son champ d'action et puis de se positionner comme une vierge effarouchée en disant « Oh mon Dieu, je vais aller emprunter à la sociologie ou à la clinique de l'activité ou bien « Oh mon Dieu, je vais emprunter à la psychopathologie ou à la psychodynamique », mais pouvoir, se ressaisir de ça avec une vraie légitimité de sa place de sociologue. Et sinon, j'appuie totalement la remarque de Marianne tout à l'heure qui est « On fait de la sociologie ». Et on a affaire à la souffrance, donc nécessairement, on est en recherche-action. Nécessairement. Je crois qu'il faut absolument l'assumer, ça. Après, il faut dresser les cadres. Mais bon. Fabienne, si vous le permettez, on garde tout ça. On écoute nos deux exposés suivants qui peut-être abordent, avec notamment la question de la plainte et le devenir de la plainte, abordent certains éléments et on reprend tout ça dans la discussion générale. Marianne, nous remettant en bouche sur ce dernier moment de la discussion.